duma palza, no kuise de grome, po puja no taita, no kuise valime, halba nie drinki, se mame chare, istame wszystkie cichy, pierdolo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode à l'Ouest. Rien de nouveau. Comme on était bien lancé dans Bulbulators, après l'interview partie 1, après l'interview partie 2, après l'interview l'intégrale, la musicale Bulbulators. Salut souris. Salut Milky, salut tout le monde. Bon, on espère que vous ne faites pas une overdose de Bulbulators. Hein. En tout cas, on aura bien pressé le concept. Hein. Ah, dis donc. Donc, la dernière fois, ils disaient qu'ils espéraient se faire inviter en France pour des concerts. Écoute, on espère que ça se passera. Ça serait Ouais, quand même carrément. assez bon. Voilà. Ouais. Ça peut donner des idées, hein. C'est ça. N'hésitez pas. Et on commence avec un morceau qui s'appelle Pomozme. C'est ça, hein? Pomozmi, ouais, voilà. Et qui veut dire aide-moi. Et puis, voilà, allez, c'est parti. On attaque tout de suite parce qu'on a une bonne petite playlist. Wow, une bonne playlist là. Ouais. Et voilà pour ce premier morceau de Bulbulators, Pomozme. Et la suite, c'est un morceau qui s'appelle Sociopata. Ouais, je crois que. Sociopata, ouais. Sociopata, hein. Donc je Sociopathe, pense non? que, ouais, voilà. Tu vois, il y a des fois où c'est simple, c'est sociopathe. C'est très. Ça arrive des fois. Ah ouais, ça fait bizarre. Ouais, c'est cool, hein. Nie wiem, Et voilà pour le morceau Sociopata. Le prochain morceau, il est aussi assez transparent, hein, je pense. Ouais, carrément. Alors, ça s'appelle Pantofelec. Donc, si ça vous fait penser aux pantoufles, bah, c'est normal. Et bah, ils ont en fait l'équivalent de cette petite expression bien sympa française. Ça veut dire la même chose. Hein, vraiment, les pantouflards, là, ceux qui aiment bien rester à la maison, bah, le silence des pantoufles après les bruits de bottes. Voilà. Ouais. Et le morceau que nous venons d'écouter, c'était Pantofelec. Alors la suite, c'est les gagnants. Ah, tu t'as pas tenté la version polonaise là. Non, t'as vu l'âge que je suis. Ouais, j'avoue que celui-là, il est chaud hein, à prononcer. Je vais quand même me lancer. Certainement que les Polonais, ça les fera rire grave, mais bon, écoute. Hein. Allez. Schwedziesty. En répète, tu le faisais mieux. Ah, ben, écoute, hein, c'est. Je me permets de me moquer parce que j'aurais été incapable de le dire. Ouais, non, c'est bah, les successions souvent là de ce, j'avoue que moi, je rame aussi pas mal. Hein. J'arrive Ouais. toujours pas à dire Stettin en polonais, donc c'est pour ça que je continue à le dire en allemand. C'est mal. Ah. Et voilà pour Świecie les gagnants. Allez, le prochain morceau, c'est plus simple à le dire, du coup je me lance. C'est Mamo Mamo, et ça veut dire Maman Maman. Voilà. Dans le genre très simple, en effet, c'est difficile de faire mieux. Et voilà pour Mamo Mamo. La suite, c'est quoi? Alors, la suite, c'est un morceau, je pense, qui, enfin, parce que tout le monde va capter le truc, hein, ça s'appelle Bulbo-Jugend, donc inspiré des fameux Turbo-Jugend, mais sauce Bulbulators, quoi. Staruszkę là pour le morceau Bulboluyugen. Et alors, le prochain morceau, c'est Niema Kvyatkov. Merci d'être venu à ma rescousse. Kviatkov. Ouais, je voyais que là, t'allais trop en chier. C'était erreur 404, C'est clair. et ça veut dire Et il n'y a pas de fleurs. ouais, en fait, c'est une chanson sur la routine, le quotidien et tout, qui flingue l'amour dans un couple, quoi. Et du coup, la chanson est assez amère et triste, quoi. D'accord. Ce qui n'est pas très courant chez Bulbulator. Oui, c'est vrai. Et le morceau, c'était Niema Presque. Kviatkov. J'aurais dû m'abstenir et te laisser dire celui-là pour garder celui qui va suivre. C'est Oui, beaucoup c'est plus celui simple à qui est. prononcer. C'est clair, hein, c'est inné et ça veut dire les autres. Le morceau que nous venons d'entendre, c'est toujours de Bulbulators et c'est Igné. Ah, on sait le week-end, on ne peut pas passer à côté. Prochain morceau, Alco Story, je crois que c'est assez clair. Alco Story. Ouais, puis bah du coup on va conclure en faisant un petit coucou aux politiciens. avec le morceau qui va conclure donc cette émission et qui s'appelle Chevigné et qui veut dire porc. Et c'est ainsi que se termine cette émission avec le morceau Chevigné. Ouais, ben, un sourire, merci beaucoup à toi pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Et ben, c'était avec plaisir. Et puis, ben, voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, ben, à la semaine prochaine, quoi. Ouais. On en profite pour redire merci, un grand merci au Bubulators et à Martha pour l'interview qu'on a écoutée ces derniers temps. Ouais, carrément. Bah ouais, parce que la traduction et tout ça, bon, c'est quelque chose, c'est un sacré boulot. Donc, merci Martha. Et puis, Ouais. ben, merci les gars pour l'interview, carrément. Et on se retrouve bah, bientôt, hein. Et restez à l'écoute de la Drouguide Radio, car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!